Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto, émission du 16 décembre 2014. Luc Desormeaux au micro. Oui, le gars qui se nomme jamais mais qui nomme les autres. Donc c'est moi, oui, l'animateur de ce beau programme. J'espère que ça va bien. Bienvenue à cette dernière émission de l'année, et non pas du podcast auto. Dernière émission de l'année 2014. On va faire cette émission-là. Après ça, on va passer 2 semaines, donc la semaine de Noël, la semaine jour de l'an. Puis on devrait revenir, si tout va bien, le 6 janvier, si on n'a pas encore mal à la tête du temps on des fêtes. On s'est relevé des fêtes. Ouais, du surplus de tourtière et tout ça. Donc avec moi ce soir, j'ai deux comparses, mes deux copains qui m'accompagnent, pas mal à chaque émission. Ouais. Et j'ai nommé Martin Sagala. Salut Martin. Salut Luc. Ça va? Ben oui, puis toi? Ben ça va très bien. Et puis Jean-François Beaulieu. Salut Jean-François. Salut. Ça va? Ça va très bien. Bon, la semaine passée, on avait Bertrand Godin avec nous qui venait nous parler de son jeu Les Incollables Auto. La semaine avant ça, si vous vous rappelez, si vous l'avez écouté, on avait eu des petits problèmes d'enregistrement quand tu fais ça avec des outils gratuits et t'es un peu gratteux, des fois c'est ça que ça donne. Donc j'avais perdu une partie. On va dire que t'étais sur la route d'une chambre d'hôtel aussi. Ouais, ça aussi. J'ai perdu une partie du podcast, donc la seule section que vous avez eue, on vous avait monté un beau show d'1h45 à peu près. Ouais. Et on puis, était drôle, on était ouais, bon. On avait du fun. Ouais, notre meilleur show à vie, et malheureusement, c'est... ça rappelle. C'est ça, c'est dans nos souvenirs uniquement. Donc, on va reprendre les sujets qu'on avait parlé de dans cette émission-là. Donc, Jean-François nous parlait de Uber, qui est un service de taxi qui s'est installé un peu partout dans le monde et à Montréal. On parlait aussi de pneus. Ouais. Puis, on parlait aussi d'un volant de course pour la Porsche 919, qui est une Porsche de course. Pour faire Le Mans, des choses comme ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis, bon, donc on va passer à travers ces sujets-là. Et puis, s'il nous reste du temps, je vais vous parler de mon essai de la Nissan Sentra 2014. Si jamais, on déborde ou c'est trop long, mais normalement, déborder, on est capable. On était bon là-dedans, il n'y a pas si longtemps. Je devrais vous faire aussi l'essai de la Nissan Sentra. Puis ça va être ça pour cette année. Donc, Jean-François, je te laisse partir. Parle-nous de tes sujets. Tu vas commencer par quoi? Je vais commencer par le pneu Michelin sans air, que j'en avais parlé un petit peu dans les autres podcasts avant, que c'était un prototype, puis que peut-être ça allait être sur le marché. Mais finalement, c'est sur le marché. Michelin a décidé de prendre son prototype et de faire de le mettre en série. Le pneu s'appelle... Il y a deux types de pneus. Il y a un pneu qui est seulement pour les tracteurs à pelouse et un autre pneu qui est pour aussi on appelle ça, c'est pas des tracteurs, en anglais, le terme c'est un Bobcat, c'est la compagnie qui crée ça. Ouais. C'est un petit loader. Mini-tracteur, mini-loader. Ouais, c'est ça, un mini-pelle mécanique, on voit ça, c'est chantier de construction. Exactement, souvent, soit sur des fermes aussi, il y en a qui ont ça aussi. Ouais. Puis, c'est un pneu qui n'a pas d'air. C'est tout simplement il y a le c'est comme une roue, une vraie roue d'une vraie roue de voiture, il y a le centre en métal avec des bolts. Sauf que le tour, c'est pas une il n'y a pas de membrane d'air dans le pneu, c'est tout simplement des rayons qui sont faits en genre de résine avec le tour aussi en caoutchouc qui est comme un tout pneu normal. Ouais, ça ressemble un peu à une ruche d'abeilles en dedans. Là. Si on regarde, là, ça ressemble un peu à des espèces de quartiers de ruches d'abeilles. La ruche d'abeilles, c'est pour les VTT, mais ceux pour les tracteurs un peu lousses, puis les petits tracteurs, c'est vraiment des rayons qui se tordent quand ils frappent un obstacle. Okay. Je regarde ça, pour les VTT, là, ça doit être quelque chose quand même. Hein. Quand ça se remplit de boue, ça doit être le fun. T'es rempli de projectiles. Ça doit être des heures de plaisir. Je l'imagine déjà avec de la glace à moitié dedans pris là, quand on s'en va. Là. Puis, ouh, ça doit sauter. ce qui arrive, c'est quand la roue frappe un obstacle, elle se tord pour épouser la forme de l'obstacle. Aussi, il n'y a pas de crevaison vu qu'il n'y a pas d'air. Puis, ils ont même testé le pneu avec... un projectile d'arme à feu. Je sais pas si c'était quoi le but. Si C'était tu vraiment. veux vendre ça aux États-Unis, c'est un must. C'est. Ils ont fait ça pour C'est bon pour tout. les quatre roues, les VTT Polaris, qu'eux offrent le modèle avec un pneu sans air. C'est sûr que ce quatre roues-là est utilisé aussi pour la chasse, pour l'agriculture. Le modèle, c'est le Sportsman VW850HO. C'est le premier véhicule qui offre ce type de pneu-là. C'est un dérivé du VTT qui sort pour l'armée, le MV850. Polaris est un gros fournisseur de l'armée américaine, tout ce qui est concernant les VTT. Et puis, on sait qu'il y a beaucoup de prototypes dans ce domaine-là qui provient de l'armée parce que c'est toujours en recherche. Puis l'armée est pas un puissant, mais un gros acheteur de machinerie, tout ce qui est. Excellent payeur de factures. Ouais, surtout. Ça aide quand tu veux développer un nouveau produit, Exact. que l'armée soit impliquée un peu. Ça baisse les coûts de recherche et développement, mettons. Puis ce pneu-là, même si un projectile, un 0.50, pas un 0.38, un 0.50, un calibre. M50, c'est un gros fusil, là. Je pense que c'est un gros fusil, ouais. Le 4 roues peut encore conduire 350 000. Ce qui est quand même pas mal long. On parle Mais de si on se fait tirer dessus par du 7 ou calibre 5 ans, 50, c'est un minimum pour pouvoir se sauver. ouais. Ouais, C'est ça, ouais. Mais c'est quand même pas payé, c'est près 350 000, c'est probablement pas loin de 800 km, là. Ça commence à être quand même pas super. c'est ça. Puis, pour les gens comme nous, si jamais le 4 roues pile Les sur gens comme nous, genre ceux qui ceux se qui font se pas font tirer pas dessus, tirer, là. si jamais vous pilez sur un clou de voie ferrée ou un gros clou, n'importe quelle sorte de clou, vous pouvez rouler 1000 milles supplémentaires. Ok. C'est encore plus loin. Ça donne au moins le temps de te rendre au garage. Hey, j'étais dans le champ, 350 000, c'est 563 km. Fait que 800, oubliez ça, là, j'étais dans. C'est à faire dans le champ. Mais ouais, ben c'est quand même pas pire. Ça te permet au moins, même si t'es pris dans le bois, de te rendre au garage le plus proche pour C'est faire ça, réparer, là. exactement. Donc, Ou remplacer, j'imagine. voilà. Parce que d'aller au garage le plus proche, là, dans le fin fond des bois, le premier garage que tu vas trouver, je suis sûr qu'il n'a jamais vu ça de sa vie, lui, il va prendre des photos. Ouais, probablement, ouais. Ben, je peux rien faire pour toi. Hein, c'est quoi ça? Puis, ben, le 4 roues, il est pas mal hors de mes moyens, là. Il est 15 000 $ avec les roues. OK. Ouais, là-dessus, il y a 5 000 pour les roues. T'as-tu un comparatif? Ouais, c'est une question intéressante. Puis là, je m'attends pas nécessairement à ce que tu aies la réponse. Mais on a-tu un comparatif entre le même 4 roues avec des pneus ordinaires puis ce 4 roues-là avec ces On n'est pneus-là? pas dans l'article, malheureusement. J'aurais aimé OK. ça pour avoir un VTT normal. Je pense que un VTT normal, je pense à peu près 10 000, à peu près, peut-être un peu moins que ça. À 10, 12, ça peut. Il y en a des très chers quand même. Mais Ouais, ça, mais c'est peut-être, ils ont peut-être juste installé ça sur un produit haut de gamme, puis c'est pas nécessairement le pneu qui fait qu'il y a une ou une si grosse édition différence. spéciale en particulier. Ou... Celui-là est spécial parce que le châssis est fait en métal. Il Ah, est spécial. les Puis, autres sont faits en quoi? En plastique? ben, il appelle ça exoskeleton. OK. Oh, OK. Ça doit être un matériel assez spécial. Puis aussi, il y a une capacité de charge de 1 500 livres. Ok, c'est pas le bas de gamme là. Non, c'est un haut de gamme. Ok. Polaris, ils font quand même des bons VTT. J'allais dire une chiennerie, mais je Merci. me disais, tu parlais tout à l'heure de tirer dans le pneu, puis là tu parles, ça a du chargement de 1 500 livres. J'ai dit, c'est pour l'Américain moyen. Ben, c'est parce qu'ils arrêtent pas de dire, même les Américains arrêtent pas de dire que les Américains deviennent obèses. C'est comme Ben, quand 1 500 eux livres de commencent à charge. s'en rendre compte, il est Fait temps. que c'est bon pour deux Américains. C'est ce que j'allais Tu vas partir en couple dans le bois. Si tu te fais tirer dessus, tu peux continuer à rouler. Fait que ça vise le marché américain, finalement. Exactement. C'est ça. C'est Ici, beau. je sais pas, mais aux États-Unis peut-être, mais ici, je suis pas là. Peut-être des gros chasseurs, mais encore Non, là. mais c'est pour aller, tu sais, c'est sûr que dans Boo, ça vaudra pas grand-chose, mais pour quelqu'un qui aime ça avoir la dernière bébelle, là, je me rappelle quand je sais pas, les chenilles pour mettre à la place des roues l'hiver, quand ça avait commencé à sortir, que ça coûtait Ouais, les yeux bon. de la tête, puis il y avait juste un bonhomme avec une coupe de pierre sans trop de temps en temps qui arrivait avec ça pour essayer de se la péter devant ses Ben, chums, là. mon oncle s'est acheté ça, puis ça allait super bien dans la neige. Ah, j'ai pas dit que ça allait pas bien, j'ai dit que la première clientèle, ça ressemblait pas mal à ça, là. Ouais, probablement. Parce que ça allait super bien. Il calait pas dans la neige. Puis on pouvait Non. aller à des places avec la motoneige suivait, puis lui pouvait suivre en arrière, puis pas C'est dangereux. pas vite, par exemple, mais ça a une Non, non, c'est sûr. capacité de franchissement assez. Non, c'est sûr. C'est peut-être semblable avec ces pneus-là. Peut-être vu que ça se déforme probablement mieux qu'un pneu rempli d'air, parce que tu as quand même la restriction de l'air que tu peux pas compresser à l'infini, là. Ouais. Mais j'imagine pour grimper des roches, des affaires comme ça a peut-être Parfait. une meilleure traction qu'un pneu avec de l'air dedans. Parce que souvent, quand tu vas aller faire du hors-route avec un Jeep, une affaire comme ça, tu vas enlever de Essouffler. l'air. Tu vas être C'est ça. essoufflé un peu pour justement qu'il s'agrippe mieux aux roches. Fait que j'imagine qu'un produit comme ça pourrait être pas si pire. Justement, c'est ça que je me demandais, parce que là, il n'y a aucune d'une capacité fixe, là, il n'y a pas moyen de l'ajuster. Si on les veut plus durs, ben, ils vont rester comme ils sont là. C'est ça, Ouais. exactement. Pas d'un On jeu. les sort l'hiver à moins 30. Si t'es veux plus dur, tu rajoutes de la roche entre les cracks. De la pierre, de la glace. Fait que non, mais c'est ça. Mais quand même, vu que ça peut vraiment porter à plus se déformer facilement, peut-être ça c'est peut-être mieux pour grimper des sentiers un peu moins plats, peut-être. 110 là, pareil. Je sais pas, ça. C'est juste des applications hors route puis de light duty. Là, il y a aucun. Ils mettent pas ça sur des camions, ils mettent pas ça sur des pick-up, ils mettent juste ça sur les quatre roues des tracteurs à gazon. Je me demande si c'est parce que la technologie n'est pas encore rendue là, peut-être. Ils veulent Ou ils peut-être veulent la tester sans se faire poursuivre, un des deux. Mais peut-être question de bruit aussi, hein. Ah, Peut-être ça doit. question de bruit à 100 km, à 110, 120 km/h sur l'autoroute, avec plein de cracks, ça doit siffler. J'imagine ça doit être atrocement bruyant. Tu dois t'entendre de loin, avec des trous de même, quand l'air rentre là-dedans, ça doit siffler ou ça doit faire du bruit, là. Oui. Ouf, ça doit être l'enfer. Fait que d'après moi, oublie ça, là, ça doit être pour ça Ben, que peut-être il y a moyen ça de mettre pas. des jupes sur les côtés, quelque chose, un flanc quelconque, là. Peut-être. Ça n'a aucun sens comme ça, Du sur tape un auto. adhoc, quelque chose de même pour boucher les trous. Mais ils vont sûrement trouver une application pour l'automobile à un moment donné. Ben, il y Mais. en a d'installés dans les tests sur des automobiles. C'est juste pas, Ouais. je suis pas sûr du côté pratique, là. Non, c'est ça. Fait que probablement qu'on verra pas ça demain matin Ouais. Pas. sur les voitures, là, mais peut-être d'ici une couple d'années quand le principe va être reconnu puis ça va avoir été testé un peu. C'est qui? Mais. C'est Goodyear? C'est Michelin qui fait ça? Ouais, c'est Michelin. Ouais. OK. Ouais. Mais Parce... ce que je remarque aussi, c'est que les constructeurs de pneus s'attaquent beaucoup au modèle du pneu qui se dégonfle après longtemps, après avoir une crevaison. Ils s'attaquent beaucoup à la durée de kilométrage après avec un pneu soit crevé. Fait que peut-être tranquillement, ils s'en vont vers ce type de pneu-là. Peut-être. Ben, je Pour sais la que voiture. Michelin a présenté un autre pneu aussi en Chine. C'était le challenge Bibendum qui appelle. Puis ça se passe à chaque année, ça change de place dans le monde. Michelin, si vous m'entendez, je suis prêt à y aller l'année prochaine si vous voulez. Cette année, c'était en Chine. Puis c'est vraiment des innovations. Puis c'est pas juste Michelin. Il invite des constructeurs, puis il invite tout plein de gens qui gravite dans le monde de l'automobile, montrer des innovations, comme il y a une compagnie qui a présenté un nouveau système hybride pour les autos, des choses comme ça. Donc il y a ça, puis Michelin a présenté un pneu qui est increvable. Fait qu'il y a de l'air dedans, OK. mais il y a comme une gomme à l'intérieur, puis aussitôt qu'il y a un trou qui se produit, la gomme vient se En bon français, patché. ouais, c'est ça, elle vient patcher le trou. Fait que comme ça, il n'y a aucune fuite d'air. Puis là, ben, tu sais, il est invité sur un podcast français qui s'appelle Votre Auto. Il joue à RMC, qui est un poste en France. Puis il disait, bon, OK, mais c'est bien beau, un clou. Si je te mets trois clous dedans, il dit, ben, c'est le même principe. La gomme va venir colmater le trou, puis tu n'auras pas de fuite. Je Puis vais ils juste ont. finir par débalancer. Ben, à un moment donné, ça va être ça, là, où puis ça a l'air que ça empêche aussi le clou de ressortir parce que la gomme vient se coller comme dessus. Oups. Fait que ça l'empêche de ressortir. Fait que j'imagine que le pneu est fini. Mais ça te permet de te rendre à destination pour le faire remplacer, par exemple. Ouais. Ah, Puis, ouais, t'en vendre un autre. ben, il y a pas un pis. Ça va voir le jour. Là, c'est ça, puis c'est de voir combien. Aussi, mais c'est peut-être réparable, mais peut-être que ce n'est pas non plus. Ils Une n'ont pas méthode été dans ces spéciale que détails-là. seuls les spécialistes vont pouvoir faire. C'est ça. C'est un peu comme la Bugatti Veyron. Faut que tu l'envoies là-bas faire ton service dessus. Faut que tu envoies ton auto en France chez Michelin pour qu'il. Mais bon, c'est ça. Puis il disait, théoriquement, on a essayé avec une centaine de clous dans le pneu, puis il roule encore. Oui. Fait que bon. Oui, il roule encore. Avec 100 clous dans le pneu, ça doit faire que cling, que clang ou que Doit c'est faire un un beau moyen son, temps. ça aussi, ça doit sceller sur l'autoroute. Ça doit être assez quelque chose. C'est ça, c'est le côté réparer. C'est sûr, à 100 clous, on oublie ça, là. T'enlèves le pneu, tu le jettes, t'en mets un autre. Mais, tu sais, avec un clou, deux clous dedans, une crevaison, deux places où c'est percé, est-ce que tu peux le réparer? Fait que ça, c'est la question qui va rester à savoir. Puis la question la plus importante, c'est combien ça coûte? Parce que si tu peux remplacer trois pneus crevés réguliers pour un pneu comme ça, est-ce que ça va valoir la peine? Ben, c'est ça qu'à un moment donné, il faut se poser comme question. Mais ça existe, ça s'en vient. Ça va sortir sur les produits haut de gamme probablement au début. On va voir ça chez Mercedes, puis chez BMW, des affaires comme ça. Il y a en vente qui marche pas en canne chez Canadian Tire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis faut que ouais, mais ça, faut quand même que tu débarques de ton auto puis tu le fasses toi-même. Ça se fait, C'est inefficace de toute façon, ça scrape le tire. ouais, mais surtout si vous avez des sensors dedans, bonne chance. Ouais. Ça vous coûte un pneu et des sensors. Ouf. Fait que c'est ça. Fait que ça va venir sur des produits haut de gamme, puis ça va probablement descendre à un moment donné Ouais. dans les autres produits. On Exactement. verra ça. C'est ça. Peut-être Deuxième sujet. ça va peut-être aller en course automobile avant aussi. Ouais, ah ben peut-être aussi. C'est un fait. C'est peut-être intéressant à voir. Ouais, que je suis pas sûr que ça vaudrait la peine, à part peut-être dans des rallyes. Parce Ben, que, tu sais, ouais. une course comme Formule 1, NASCAR, choses comme ça, Non. ils changent les pneus de toute façon souvent pendant la course, fait que ça sert Ouais, pas mais c'est vraiment encore grand-chose. drôle, tu sais, des fois, c'est sûr, peut-être avec des jaquettes pour les rendre plus aérodynamiques, quelque chose, mais même si c'est un petit peu plus pesant, là, ça peut être catastrophique qu'un pneu fin en Formule 1 ou quelque chose comme ça, là. C'est sûr, j'allais dire, le monde se plaint que la Formule 1, les moteurs font pas de bruit, on va mettre des pneus qui sifflent. Tout pour aider. C'est ça. Non, c'est sûr que pour l'aérodynamique, il y a pratiquement pas le choix là, de faire quelque chose pour faire de la course automobile, de mettre ses côtés, là. Ouais, c'est ça. Ça. Je sais pas. On verra. C'est sûr que souvent, ça a des applications de course automobile. Ça va peut-être bien être quelque chose qui va aussi. Qui va peut-être rester dans l'univers du hors-route aussi, là. Peut-être, Tout c'est ça sûr. peut. Peut-être. Fait que c'est ça. Je sais pas. On verra. Exact. Je pense que c'est un beau principe, mais à savoir les applications logiques pour ce genre de produit-là. Mais ça, on va voir ça dans les prochaines années. C'est ça, exactement. Puis ton prochain sujet, Uber ou volant de course, de quoi tu vas aller Surtout, vers quoi? j'ai regardé le meilleur en dernier. L'Uber, c'est que à Montréal, dernièrement, il y a pas mal de chicanes avec les chauffeurs de taxi et les chauffeurs qui utilisent Uber, avec aussi avec la ville aussi. Avec juste parler, c'est quoi exactement Uber? Uber, c'est un système de taxi qui fonctionne avec un cellulaire. Tu télécharges l'application, tu es genre, je sais pas, moi, tu es sur Sainte-Catherine, tu as besoin d'un taxi, tu ouvres l'application, tu dis, ben, j'ai besoin d'un taxi là, où est-ce que je suis. Le problème, c'est que c'est peut-être pas un taxi qui va venir te porter, c'est peut-être quelqu'un qui s'est inscrit au service Uber qui va venir te chercher. C'est là que ça fait mal un peu au portefeuille des compagnies de taxi. C'est un peu Uber, n'importe c'est. qui. Pardon? C'est sûr parce que c'est un peu n'importe qui. Eux, ils payent des permis. C'est ça, exactement. Puis, ce service-là est disponible dans à peu près une centaine de villes dans 45 pays. Puis, Uber, sa valeur exacte, c'est 15 milliards de dollars. Quand même. Avoir une coupe de pièces. Ouais, une coupe. Il y a eu beaucoup de problèmes. Ça a été banni en Belgique. Il y a beaucoup de villes aux États-Unis qui poursuivent le service, poursuivent judiciairement le service. En Vancouver, ça a été très réglementé. Le service a été très réglementé. Il y a des États aux États-Unis où ça a été carrément déclaré illégal. Ouais, c'est ça, Fait que, exactement. ouais. Ça fait pas l'unanimité, ce service-là, malgré que les internautes ne jurent que par ce service-là. C'est beaucoup les gays qui s'en servent de ce service-là. À Montréal, ça cause un problème parce que ça coûte quelque chose avoir un service de Ça coûte taxi. très cher. Ça coûte très cher. Premièrement, il y a la voiture. Deuxièmement, il faut payer un permis. Un spécial, c'est pas n'importe quel type de permis qui donne accès à conduire un taxi, puis le permis est pas donné non plus. Puis en plus, il y a les assurances, parce que c'est des assurances spéciales, vu que c'est un véhicule qui sert de travail. Oh, les inspections du véhicule 2 fois par année, puis C'est ça. on continue. C'est que le montant est très élevé. Alors, les chauffeurs de taxi sont un petit peu en colère contre ce service pour en dire ben vous nous voler de l'argent qui nous est dû, que Ben, ça... perdre le client, dans le Ah ben fond. exactement, ça c'est pas des clients. Puis cependant, le maire Coderre, ben, il veut vraiment réglementer lui aussi le service comme a fait de Vancouver pour que ça soit un peu partagé entre les chauffeurs de taxi puis les personnes qui utilisent Uber. Mais c'est pas encore réglé, cette chicane-là. Cette chicane-là ressemble un peu au Airbnb. Je sais pas si vous connaissez ce service-là qui est genre, vous pouvez louer un appartement, vous êtes en voyage, vous restez peut-être 2, 3 jours, une semaine, vous pouvez louer un appartement pour 2 jours, 3 soirs, une semaine. Puis ça a comme fait un peu la chicane avec les propriétaires d'hôtels, surtout dans la ville de New York. J'imagine. Parce que ça va la clientèle pas mal à New York. Ouais, c'est ça. C'est un peu la même chicane. C'est encore un service technologique qui va dans le domaine plus classique. Puis Mais qui faut va. avouer en même temps que c'est pas non plus la même sécurité que je te Non. dirais que d'appeler un taxi qui est accrédité, qui a ses permis, qui a tout ce qu'il faut, qui sait où ce qui s'en va. Si je dis il faut que j'aille à l'hôpital, puis ça presse, au moins il sait où. Exact. Ouais, Non, c'est c'est sûr. ça. C'est sûr, c'est sûr. Fait que, tu sais, il y a encore la chicane, des points à régler encore avec ce service-là. Je ne sais pas si un jour Uber va être accepté par les conducteurs de taxi, par la population de Montréal, puis l'administration municipale. Ça, j'en doute que ça risque d'être accepté vraiment là, Au entièrement. Québec, on aime tellement les règlements, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne marchera pas. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Ben, c'est un peu protéger le public aussi, parce que je veux dire, OK, Ben, même, c'est à matin qu'il y a une nouvelle qui est sortie, je pense, un chauffeur de Uber en Inde qui a violé une cliente, là. Oui, j'ai vu ça, oui, aussi, moi aussi. Je voulais en parler, mais je n'osais pas trop en parler, mais. Ben, il y a eu ça à Montréal. Il n'y a pas eu ça à Montréal aussi dernièrement, un chauffeur de taxi accrédité qui avait harcelé une Ouais. cliente aussi. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Rendu là. Tu sais pas ce qui tu peux tomber, que ce soit avec un taxi normal ou avec Non, le système mais Uber. c'est plus facile de porter plainte contre quelqu'un qui a un numéro puis un nom d'écrit qu'on n'a pas le choix de le voir. Ouais, qu'un numéro de taxi ou au moins la compagnie ou quelque chose de Ouais, il y même. a moyen de le retrouver, là. C'est Ouais. pas comme petit Joe qui a passé parce que sur le fly, ça il tentait de faire ça une veillée, là. Parce Ouais. que même Ottawa a décidé de serrer la vis au conducteur de Uber. Si jamais un inspecteur de la ville, eux sont en bien civil, donc on ne sait pas qui ils sont, découvre qu'il y a un conducteur qui se sert de sa voiture comme taxi avec le service Uber, ben, il y a une amende de 650 $. Fait qu'il faut que tu fasses une coupe de faut que tu ailles reconduire une coupe de personnes chez eux pour que ça Exactement, recouvre ton tu montant. travailles plus fort dans l'après-midi. C'est ça, Ouais. tu te fais prendre plusieurs fois aussi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, Ouais, ben j'imagine qu'ils n'ont pas non plus mis 50 inspecteurs là-dessus, là. Fait qu'à un moment donné, je penserais pas non plus. Là. La ville ils vont d'Ottawa, les reconnaître, ça sera pas long. non, c'est ça. Le mec Coderre, ça soit dans ton char. Il avait son après-midi de libre, il a décidé de faire du checkage de chauffeur de taxi. Je pense qu'il n'y a pas le temps de faire ça. Non, je penserais pas. Non. Mais c'est ça, c'est un service quand même intéressant, comme tu dis. C'est surtout, ça attire les geeks parce que là, on parle d'applications, puis on parle. Fait que, ça Téléphone va. intelligent, de Fait que, t'sais, ça va attirer le monde qui toutes les sont choses que ma attirés mère vers peut ces pas se choses-là. servir. Ben, c'est ça. T'sais, nos parents ne scrolleront pas un taxi avec Uber, là. Je le Ça doute pas. serait C'est très vraiment très surprenant, tu sais. bon. Ouais. Mais, tu sais, quelqu'un qui navigue un peu là-dedans, probablement que ça serait quelque chose qui les intéresserait. Mais faites attention, Ouais. il y a des permis de taxi, puis il y a du monde accrédité pour une raison particulière, c'est que ils sont accrédités, ils sont normalement vérifiés, ils devraient savoir où ce qu'ils s'en vont, puis soyez certain Gagne que le vie avec ça. c'est ça. Puis soyez certain que s'il fait un détour de 4 heures pour aller vous reconduire à l'aéroport, il est parfaitement au courant qu'il l'a fait. Lui. C'est lui. Puis c'est pas pour parce qu'il s'est trompé, c'est parce qu'il voulait vous soutirer quelques dollars de plus de votre Oh portefeuille. oui, J'entends. c'est un ordre Ouais. professionnel qui a beaucoup, beaucoup de classe en général. Ouais, j'ai entendu des histoires d'horreur aussi, là, mais c'est très rare. Pour les nombres de fois que j'ai pris un taxi, j'ai toujours eu du bon service. Bon, ils conduisent des Prius comme si c'était une Ferrari, là, mais Ouais, mais c'est. je suis pas sûr que les factures vont avec le fait que c'est une Prius, mais bon. Non, je suis pas sûr que le côté économie d'essence de la Prius rentre beaucoup en ligne de Pas compte. du tout. Mais bon, c'est quand même intéressant. On va garder un œil sur le service, voir ce que ça va donner, est-ce que ça va se développer, est-ce que ça va se légaliser un jour. Bon, on verra bien ce que ça donne. Si on va avec ton... T'avais dit autre chose? T'avais dit pas mal de Ben, tour? ça va être mon dernier sujet qui va être encore lié à la technologie, mais plus dans le domaine de la course automobile. Ouais, un volant qui ressemble à quelque chose sorti d'un. Ben, ce qu'on Ben, jouerait sorti à d'une un bine jeu de Fisher vidéo. Price, oui. Ouais, Ben, ça aussi. un arbre de Noël, mais bon. Je sais pas si vous avez remarqué. ça colle des Smarties. C'est ça, des Smarties. Oui, c'est une bonne comparaison. Dans les courses automobiles, les volants sont vraiment différents d'un volant normal. Oui, il y a beaucoup de boutons, mais ça ne sert pas comme les boutons d'une voiture normale. C'est pas pour la radio, Pas c'est pour pas le pour. cruise control. C'est ça, exactement. Il n'y en a pas de cruise control dans la course automobile. Ça, je peux vous le dire. Mais ce que savez-vous, c'est qu'est-ce que chaque bouton sert dans un volant? Il n'y a pas juste des boutons, il y a des petites pédales en arrière du volant qui servent à changer les vitesses, à accélérer, freiner. Mais d'accord, il y a plein de petits boutons que peut-être les gens se demandent pourquoi ça sert sur ces boutons-là? Pourquoi que le chauffeur doit peser ces boutons-là quand il conduit? Il me semble que c'est juste peser dans le fond puis c'est tout. Moi, je le regarde, puis il me fait vraiment capoter ce volant-là parce que les anciens volants de Ford, que Ford avait dans certains produits, dont le Focus avait ça à un moment donné, l'Escape avait ça. Ah, oh, ouais. C'était pas un volant comme ça, mais il y avait tellement de boutons après ça, je trouvais ça horrible. Ah, oh, avec les deux méga géants panneaux de boutons, là, les deux mères de boutons. En bas, là, c'était mal placé. C'était Ah. Oh. vraiment pas tout ergonomique, là. C'est un souvenir qui graphine, ça. Je voyais ce volant-là, puis ça me donnait des cauchemars. Puis quand j'ai vu ton volant, je me suis dit, comparé à ça, le volant de Ford n'était pas si pire que ça, là. C'est moins laid, j'imagine. Est plus utile. Celui-là est bien plus utile que celui-là, peut-être, d'Escape, là. Ça dépend pour faire quoi. Ouais, c'est ça. Je vais Chauffer sur tester. l'autoroute, je suis pas convaincu. Ouais, c'est sûr que celui-là, non, là, mais je vais vous expliquer à quoi chaque bouton sert dans ce volant-là. C'est, premièrement, je vais vous expliquer c'est quoi la voiture. C'est une Porsche 919 hybride, LMP1. LMP1, c'est les courses d'endurance, comme le 24 heures du Mans ou celui de Daytona. Oh. C'est des voitures qui roulent très vite. Il y a plusieurs classes Très vite dans puis les courses longtemps. d'endurance. Ouais, c'est ça. Pardon? J'ai dit C'est très vite puis longtemps. longtemps aussi. C'est ça. C'est 24 heures, puis c'est le moteur dans le fond tout le temps, là. Ça ne s'arrête pas, là. Puis, fait que c'est la catégorie de voiture qui roule la plus vite. Fait que, il doit s'ajuster aux autres conducteurs qui ne roulent pas si vite que ça, même s'ils roulent très vite. Ah, sont tout à fait vrai, toutes les catégories courent en même temps. Exactement. Il y a à peu près une soixantaine de véhicules en même temps qui ne roulent pas à la même vitesse. Fait qu'il faut vraiment juger celui qui est devant nous autres. Il y a vraiment. Tous les boutons sont placés ergonomiquement pour que le pouce puisse peser dessus très facilement parce que quand tu roules 300 km/h sur une piste de course, t'as pas le temps de regarder où t'es le bouton, là. Surtout Non, dans c'est un ça. T'es mieux de virage. savoir. T'es mieux de savoir où est-ce que tu t'en vas. Exactement. Fait qu'il y a un bouton rouge, vu que c'est un véhicule hybride, qui sert pour le boost, le turbo qui est vraiment électrique. C'est toute l'énergie qui a été accumulée, prenant la batterie, qui sert pour la voiture, là. J'ai l'impression qu'ils doivent s'en servir beaucoup plus pour les lignes droites, puis comme le système DRS en Formule 1. Mais c'est pas aussi réglementé que le DRS. Il n'y a pas de règlement et tout ça. Quand ça tente, tu pèses dessus, puis ça va plus vite, là. Parce qu'en Formule 1, le système DRS est uniquement dans certaines places du circuit. Ça, C'est ces pas pitons-là me font tellement penser aux jeux vidéo quand j'étais jeune, où est-ce qu'il y avait le piton de nitro, là, quand on s'en allait, Ouais. on pouvait rouler à dessus à moitié de la course. Exactement. C'est ça, mais à un moment donné, le nitro, ben, il arrête. Mais c'est ça, c'est sûr, Ouais, c'est là, un peu. fallait le charger après. C'est ça, exactement. Puis, il y a un bouton bleu qui sert pour les lumières. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. En course 24 heures, ben, il course aussi la nuit. Puis, le soir, quand le soleil se lève et quand le soleil se couche. Puis, des fois, ben, ils vont plus vite que les autres. Surtout ce modèle-là, il va plus vite que les autres. Fait que c'est comme en pesant sur ce bouton-là, ben, les lumières en avant, ils flashent pour indiquer au conducteur en avant, tasse-moi, faut que je passe. Parce que tu vas plus vite, je vois plus vite que toi. C'est vraiment un genre de signal pour dire, ben, Donc, flasher les lumières. fais-moi de la place, je passe. C'est ça. Jean-Marc Parent sort de ce corps. C'est ça, on flash les lumières. C'est quand même assez important parce que, je sais pas, mais il y a beaucoup d'accidents des voitures qui rentrent dans le derrière des autres chars parce qu'ils vont pas assez vite. Puis surtout que eux, bon, c'est les plus rapides, fait que ça doit être quand même assez cogner fort. Ouais. Ensuite, il y a plein de boutons, les boutons roses, bleus, jaunes. Eux, ils servent vraiment pour la direction en avant de la voiture, la traction, le contrôle de la traction, puis aussi le derrière de la voiture. Parce que ça arrive des fois que quand les voitures tournent, comme je vais dire en anglais, des fois le car is too tight, ça Ouais. veut dire que la voiture n'est pas capable de tourner ou que la voiture tourne trop. Ça veut dire qu'ils font juste bouger un peu le volant, puis la voiture tourne vraiment là, pour en perdre le contrôle. Fait qu'en pesant ces boutons-là, ben, ils peuvent ajuster la voiture pour que ça empêche de soit perdre le contrôle ou soit de ne pas tourner vraiment, là, pas du tout, là. Puis il y a un bouton en vert qui est écrit RAD dessus. Ça, c'est vraiment pour la radio. Pour vraiment utiliser la radio entre lui et son équipe d'ingénieurs pour dire oh, j'ai tel problème, qu'est-ce qui se passe avec la télémétrie parce que maintenant tout est informatisé, il y a plein de sensors partout dans le véhicule, fait que les ingénieurs peuvent suivre le véhicule en direct avec tous les réglages, puis les changer à distance, puis dire est-ce que c'est correct, ça fonctionne-tu, y a-t-il des améliorations à apporter. Ouais. Moi, ce qui me fait vraiment triper, c'est qu'ils ont pris tellement de temps à tout faire l'ingénierie de ce volant-là. Ouais. Puis tu regardes des deux côtés, les boutons sont tous pareils, sauf en bas. C'est Ils vrai. ont switché le orange puis le rouge. Tout le reste, c'est jaune, bleu, rose, C'est vrai. vert. Puis après ça, tu tombes orange, rouge d'un bord, puis rouge, orange de l'autre. Ils ont-tu mis le gars daltonien sa dernière journée de la job, puis oublié de mettre les boutons exactement pareils de chaque bord? A l'air du pot de pelule d'une personne âgée. C'est pas mal ça. Mais c'est vraiment capoté comme volant. Il y a Le des pire, c'est boutons qu'il y a là-dessus. d'autres boutons à côté, mais on ne sait pas à quoi ils servent. Ah, puis j'imagine qu'il y en a en dessous, il y en a partout. Ah, il y en a Là. Ben, t'as les palettes pour changer les vitesses au volant en plus. partout. Ouais. C'est l'enfer, c'est ce type de S'il n'y a pas véhicule-là. des pitons après palette. Ouais, c'est ça. Il y a des pitons en plus après les palettes. Ouais, Ben c'est ça. oui. Mais non, mais c'est vraiment capoté comme volant. Là. Tu te dis à un moment donné, trop c'est comme pas assez. Puis tu disais. Sur la dernière émission, il y avait même un bouton pour Le boire. bouton Ouais. bleu. Exactement. Il y a pas, ils font pas l'action de boire, c'est le volant lui-même qui fait l'action de boire. Fait qu'il pèse ce bouton-là, puis l'eau est comme transmise directement dans la bouche du conducteur, Ouais. sans même qu'il fasse quoi que ce soit. Fait que t'es mieux de regarder en avant parce que tu tournes la tête, tu te fais un lavage d'oreille. C'est Quelque chose ça. de même. Je suis pas Ok. sûr qu'ils peuvent se tourner la tête. Ouais, je sais pas, un cockpit de 919, ça doit pas être c'est un peu comme une 918, j'imagine, comme auto. Ben, Ça doit être basé sur la Porsche 918. Ben, c'est un prototype. Alors, je peux pas. J'ai pas de Ouais, c'est véhicule. J'ai le pas de photo de 918 véhicule. prototype. C'est Ouais, c'est plus. ça. Ouais, ok, c'est C'est ça. la version plus poussée, si tu veux. Mais c'est quand même une grosse voiture. Fait que ça doit pas être Une grosse voiture. serré que ça à l'intérieur, j'imagine. Il doit C'est avoir un petit peu de place. ça. Avec l'équipement, C'est la sûr. télémétrie, toutes les patentes à gosse. Ouais, peut-être pour la TV par satellite, puis toute la patente. C'est sûr, si t'es là-dedans 24 heures, tu vas pas manquer la game du Canadien. Parce que j'écoute souvent des courses de ce type-là, puis quand ils font des changements de conducteur, ça a l'air très serré dans la voiture, même si c'est une grosse voiture, comme les Corvettes ou des. C'est des bancs très serrés d'avance, des Ouais, bancs c'est ça. moulés, là. Ça. Ouais, C'est je des bancs regarde ça, ouais. qui sont faits sur mesure, avec les dimensions du conducteur, et que ça rentre juste, juste, juste. Donc, Ouais, doit pas être trop de place, hein. Doit pas non. mettre, doit pas partir avec une valise pour partir en voyage là-dedans, non? Ça va Pas pas dire prendre comme un toi, ça va être café. assez serré. Ouais. Puis, il y a un bouton aussi qui sert pour l'entrée des puits, parce qu'il y a toujours une limite de vitesse pour l'entrée des puits, c'est moins rapidement. Alors, c'est pas au conducteur à dire, alors, faut que j'aille à telle vitesse, ben, c'est le bouton qui se contrôle lui-même. Essayer de l'ajuster en s'en allant. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a qui oublient de peser dessus, puis qui se ramassent à la dernière minute, puis ils pèsent Ah, ben, tu sur vois, il y les. en a un piton sur le cruise control. Le cruise, tu mets ça à 325 km/h sur le cruise. N'y en a pas de problème. Y a-t-il un avertisseur de changement de voie, puis toute la patente aussi, tu sais? Malheureusement pour ce véhicule. Caméra de recul. Il n'y a pas de Si tu recul. recules, t'as un problème. Mais Puis ouais, ça doit être assez intéressant pareil. y a aussi un bouton pour le lave-vitre. Ouais. Ça, c'est quand même utile. Parce Ben, qu'à la vitre, j'imagine, ouais, ouais, ça. Sinon, puis toute la gomme qui s'accumule Ça sur la doit piste. décaper. Toi, à 300 km/h, ça doit décaper quand même. Assez, oui. Ouais, tu dois pas vouloir arrêter sur le bord du chemin pour laver ton pare-brise. Non. Pitcher de la neige, puis. C'est Peut-être extraordinaire, ouais. Mais ouais, non, je comprends que ça peut être pratique. Mais non, regarde, c'est quand même assez cool comme principe, là, mais le volant est quelque chose, là. Puis c'est ça, puis il faut pas oublier aussi qu'il y a un écran qui indique la vitesse, Ah, ben oui, il y a un écran. puis à la vitesse qu'on est, les changements de vitesse, tous les renseignements possibles comme les tours, la différence des tours qu'on a parcourus, puis il y a beaucoup d'informations qui est reliées à ce volant-là. Y est-tu tactile, tant qu'à y être? Je pense pas, non. Puis quand t'es tanné, tu peux te jouer à Forza. Il manque de piton, de toute façon. Non, c'est quand t'es dans le sable, tu peux jouer à Forza. Ok, tu sais, le gars est tanné, il décide qu'il joue à Forza pendant qu'il tourne Why en rond. not? C'est Et pour... parti. Qu'est-ce que tu fais pendant que tu fais de la course? Ben, je joue à un jeu de Je vais course. faire ça. Ouais. C'est comme celui que j'avais parlé qui avait tweeté dans son auto qui avait eu une amende Ouais. au NASCAR. Je pense que je n'ai pas Bravo, champion. non plus là. Tweeter à 300 km/h, c'est quand même pas trop pire. Ouais. Pendant que tu essayes de dire au monde de pas texter pis de rien faire en conduisant avec le stéréo, lui, il fait en plein milieu d'une course. Hé! Hey! Fait que tu sais pas si c'est moins payé. Hey, je pense que je vais gars. Ah non, laissez faire. Là, c'est pas dans le mur. Fait que, ouais, c'est ça. Ok. Non, mais c'est intéressant pareil. C'est tout droit sorti d'un jeu vidéo. Mais tu peux comprendre dans une voiture comme ça où tu as beaucoup d'informations, tu as beaucoup de paramètres que tu peux Bon, mais changer. c'est pas la seule. Non, non, non, non, Elles sûrement sont pas. toutes comme ça. On tout comme ça. Tu sais, ça Fais donne le juste une petite contrôle au recherche, pilote. puis. C'est le fun que ça donne le contrôle au pilote. Et le pilote est capable de faire des changements de télémétrie sur son auto lui-même en faisant 3-4 boutons, tu Imagines-tu l'épaisseur du manuel du propriétaire? sais. Hey boy. Ouais, surtout que t'as même pas de coffre à gants pour le mettre dedans. Non. Un cours de 8 Sûrement. heures avec 3 techniciens et un ingénieur pour t'expliquer comment marche le volant. Ouais, c'est ça. C'est un cours en tant que tel, juste On viendra le demain, on va te volant. montrer comment starter le char. Mais Mais c'est là, ça. Cette ça semaine, tu vas apprendre à maîtriser le volant. Mais ça veut dire aussi que, tu sais, aujourd'hui, les conducteurs automobiles, il faut qu'ils sachent comment fonctionne la voiture. C'est pas juste que tu la conduis puis c'est ta tête, là. Non, c'est ça. Faut Non, que tu mais saches là. comment elle fonctionne, c'est quoi les pièces, tous les changements à faire dans la voiture. Ouais. C'est plus juste je conduis la voiture, je pèse dans le fond puis c'est fini. Hein. C'est Ça, vraiment c'est d'autres une choses. blague. Mais, qu'est-ce que ça dit, Martin? J'ai dit ça, c'est du drag d'habitude. Tu le fous dans le fond, t'attends d'être rendu au bout, puis là tu dis bah, je pense que c'est ça. Moi, c'est ça. Vas-y, Mais, un peu de bouton. tu sais, ça reste qu'avec tous les contrôles de traction, vous allez faire le même. À un moment donné, ils disaient, tu sais, ah, les pilotes à Star, ils n'ont plus besoin d'être aussi bons qu'ils étaient avant parce que la voiture se conduit presque tout seul. Je pense Mais, encore. tu vois, ils ont tellement d'affaires, ils ont un volant à s'occuper. Fait que si la voiture se conduit tout seul, au moins, pendant ce temps-là, il peut lire son manuel. C'est sûr que c'est pas probablement pas la même chose du tout. C'est c'est même conduire une auto moderne par rapport avec un véhicule, mettons, qui a une quarantaine d'années, c'est pas la même chose du tout, là. Non, non, non, c'est sûr. C'est sûr. Fait que c'est pareil pour ça. Ben, Donc, c'est bon. On a d'autres choses à rajouter là-dessus. On a pas mal c'est pas mal. J'ai fait le tour, là. fait le tour. OK, je vais vous faire vite, vite mon essai de la Nissan Sentra 2014. Bon, la Nissan Sentra qui est quand même assez populaire au Québec. On en voit pas mal sur la route. Bon, c'est pas la Honda Civic ni la Mazda 3. C'est quand même pas Un brin aussi. plus marginal. Il y en a un peu moins, mais c'est quand même une voiture qui est assez populaire. Moi, en tout cas, j'en croise quand même assez souvent. Puis des anciennes, puis des récentes aussi quand même. Fait que c'est quand même une S'agit de voiture les qui... remarquer. Ouais. Fait qu'il s'agit d'une voiture qui se vend quand même pas mal bien. Elle rentre dans sa... Ben, elle est dans sa sixième génération. Je peux pas dire qu'elle rentre dans sa sixième génération parce qu'elle est probablement plus proche de sa septième... que du milieu de la sixième. D'après moi, c'est probablement dans ces dernières années de ce modèle-là. D'ici, d'après moi, 2 ans, on va voir une nouvelle génération de Sentra. Nissan qui est en train de refaire tout le modèle dernièrement. Ils viennent de refaire le Murano. Non, il n'y aura pas de version convertible cette fois-là. Madame Gunst a eu la sienne. Fait que je pense qu'elle va être correcte avec ça. Parce que ceux qui connaissent pas la Idée rumeur. étrange. Ouais, ceux qui connaissent pas la rumeur ou qui savaient même pas, il existe un Nissan Murano qui est un VUS version convertible, donc qui s'appelle le Cross Cabriolet. Et puis bon, j'en ai vu un se promener, donc j'imagine qu'il y en a au moins un au Québec. Ouais, ben je non, il y en a au moins deux. J'en ai vu un dans mon coin aussi, là, mais C'est peut-être le même qui se promène beaucoup. c'est ben, il fait peut-être beaucoup de millage. Est-ce qu'il était doré? Non, non. OK, c'est pas le même. Donc, il y en a au moins deux au Québec. Ça se vendait, oh mon Dieu, un prix assez Astronomique. astronomique pour ce que c'est. C'était pas hyper beau non plus, surtout avec le C'était. toit baissé. Ça avait l'air d'un bon en bon français, je te dirais raboudiné. Ouais, c'était pas super beau. Donc, c'est un VUS, t'enlèves deux portes. Donc, c'est un VUS deux portes. C'était Les pas portes en tout cas. allongées, le toit écrasé. Ah, c'était pas super bien réussi. Et la rumeur était que c'était la femme du PDG de Nissan, Carlos Ghosn, qui avait demandé d'avoir un Murano cabriolet. Et puis, au lieu de demander à ses ingénieurs d'en faire un pour madame, Ce qu'il va faire la prochaine fois. il l'a fait rentrer en production, je pense que c'était en 2011 ou en 2012. Et bon, il est sorti de production, c'est fini, on n'en verra plus. Donc, mais bon, la Sentra, Je c'est aussi comprends pas ça. à ça. On passe d'un extrême à l'autre. On parle d'une auto qui s'est pas vendue à une auto qui se vend quand même très bien. Ben, Bon, c'est pas mal le pain puis le beurre de Nissan, je c'est pense. pas mal ça. Ouais, je pense que oui. Ça puis la Versa, là. Donc, c'est ça. L'extérieur de la Sentra, bon, c'est une voiture qui est jolie, mais on voit un peu qu'elle commence à prendre de l'âge. Elle est moins arrondie que les autres, là. Elle a un look un peu plus carré. La courbe est ride. Bon, ça ressemble beaucoup. Le design ressemble beaucoup à ce qu'on fait chez Toyota. Si vous regardez une Camry, peut-être d'ancienne génération, puis vous regardez la Sentra, le design est un peu similaire, là, en disant puis vraiment en voulant dire, on va pas avec Honda qui a un look vraiment plus pointu, plus agressif. La Mazda 3 qui est tout en courbe. On va Ça, rester dans le beige. ouais, c'est plus carré, c'est plus traditionnel, mettons. Pour être gentil, c'est plus traditionnel comme Bien design. choisi. Elle est équipée de phares halogènes. C'est pas rien de haut technologique, mais on a des feux d'appoint ADL, donc ce qu'on appelle des phares de jour ADL. Puis on peut avoir des antibrouillards quand on prend les modèles plus équipés. Chez Nissan, il y a quatre versions, là. Il y a la S, puis la SV, qui sont les modèles d'entrée de gamme. Puis après ça, on a la SR, puis on a la SL, qui sont les modèles plus haut de gamme. La SL étant le modèle le plus équipé de la gang. La S était le modèle d'entrée, donc normalement la moins chère, celle qui a presque pas d'options et des choses comme ça. C'est des freins à disque aux quatre roues, ça au moins. Il y a ça de bon. Des jantes, ben là, on part entre 16 et 17 pouces. Moi, j'avais la version. Moi, j'avais la SR, fait que j'avais des jantes de j'avais-tu la SR ou j'avais la SL? Non, j'avais la SR, je me rappelle bien. Non, SL, j'avais du cuir. Donc, c'est ça, des roues en alliage de 17 pouces sur celles que j'avais. Bon, on a des rétroviseurs chauffants sur les modèles plus haut de gamme, des choses comme ça, avec les miroirs qui incluent les feux de signalisation. Ça devient de plus en plus avant. On avait ça, ces voitures haut de gamme, là, les clignotants d'un rétroviseur. Là, c'est pas mal. Ça, Ouais. tout modèle de voiture récent, Ouais, quand ça on s'est tombe. démocratisé beaucoup. Ouais, quand on tombe dans l'haut de gamme, là, quand on tombe des modèles plus équipés, normalement, ça vient avec. Même, ça vient qu'à se demander combien ça coûte de plus mettre des clignotants dans un rétroviseur et est-ce que ça vaut la peine de faire deux modèles de rétroviseurs différents pour un même Inquiète-toi pas, produit? la prochaine génération va juste avoir des clignotants. Probablement, là. Bon, puis c'est équipé d'un échappement simple, puis à embout chromé quand on tombe des modèles plus haut de gamme. Le coffre est quand même assez grand, je restais quand même assez surpris. C'est pas mal spacieux comme coffre, là. C'est sûr. Quand on tombe dans cette gamme de produits-là, les Mazda 3 puis les Honda Civic, ça a quand même des bons coffres. Celui-là, je dirais que il est quand même assez logeable. Il n'y a aucun problème pour mettre d'épicerie ou une coupe de valise si vous partez en voyage avec la famille. Il n'y a pas de problème là-dedans. L'intérieur est bien. Les sièges sont confortables et tout ça. Mais ça là, c'est là qu'on voit peut-être l'âge du modèle en tant que tel. On a mis des insertions de bois à une coupe de place, puis on s'aperçoit que c'est du plastique, là. On trompe pas l'œil en pensant que c'est peut-être du bois, le bois qu'il y a là. On voit que c'est du plastique. Mais l'intérieur est quand même pas laid, c'est quand même joli. Mais moi, je suis pas un amateur de faux bois. Moi, j'aurais mis du plastique peut-être noir au lieu de mettre du bois. Tu sais, tant qu'à mettre un plastique. À être évident que c'est du plastique, même si on veut Aussi bien donner. s'assumer. Ben, c'est parce que c'est fait pour donner un contraste, hein. C'est pas fait Ouais, pour faire c'est. paraître que c'est une Lexus ou que c'est un Non, non, non, Infiniti, ça là. me fait penser aux anciens Buick. Ouais. Fait qu'on met du bois pour faire des contrastes. J'aurais peut-être été porté à faire un contraste avec un plastique noir un peu lustré ou quelque chose comme ça au lieu de mettre du faux bois. Parce que du faux bois qui a vraiment l'air du faux bois, c'est pas hyper joli. Puis je trouve que ça donne un peu un look plus vieillot à voiture. C'est comme si on visait une clientèle un peu plus âgée que du monde plus jeune. Mais je veux dire, c'est totalement personnel. Peut-être quelqu'un d'autre va aller voir cet intérieur-là puis va le trouver hyper beau. Moi, c'est juste le bois vraiment qui accroche. Le volant est ajustable juste en hauteur, il n'est pas télescopique. Puis bon, il y a tous les boutons dessus pour faire des appels téléphoniques puis utiliser le système de son. La version d'entrée va avoir une radio de base. Normalement, vous avez au moins un lecteur CD qui lit des MP3 puis une prise auxiliaire pour brancher votre iPod ou peu importe par la prise d'écouteur. Dans les modèles plus haut de gamme, là, on va avoir une caméra de recul, on peut avoir la navigation. Moi, j'avais la navigation dans celle que j'avais. J'avais aussi le Bluetooth. Une chose que j'avais pas dedans qui m'a un peu surpris parce que Nissan commence à mettre ça un peu partout dans ses modèles plus équipés, c'est le système de visualisation du périmètre. C'est Nissan qui a, bon, d'un produit grand public qui a pas mal commencé ça. Puis j'avais vu ça en premier dans la première Nissan Versa Note que j'avais essayé. Je l'ai réessayé la Versa Note la plus récente, le modèle SR qui a un look un peu plus sport. Je vous en reparlerai plus tard. Mais c'est un système qui donne l'impression qu'on voit la voiture d'un drone qui nous suit juste au-dessus de l'auto. Ça nous donne une vision à 360 degrés de la voiture. Je pense que Ford a commencé à mettre ça dans certains de ses produits aussi. Maintenant, il me semble que j'ai vu ça dans une pub de Ford. J'ai pas encore eu de voiture qui avait ça, il me semble. Mais je sais que je pense que Ford aussi s'en vient avec ça. Non, c'est Puis vraiment cool. ça utilise quatre caméras. Donc, ils ont ajouté deux caméras, une dans chaque rétroviseur de côté, une dans le rétroviseur qui est à l'intérieur de l'auto qui regarde vers en avant. Et puis, on a celle de la caméra de recul. Puis avec ces quatre images-là, elle nous fait une image qui est à 360 degrés de la voiture. Fait qu'on peut voir les chaînes de trottoir, on peut voir s'il y a des objets. Ce qui est vraiment drôle, si on passe proche d'un objet, on a l'impression vraiment, si on est proche de la chaîne de trottoir, on a l'impression qu'elle mesure comme 20 pouces de haut. Parce que ça déforme un peu la réalité, parce qu'elle prend l'image puis elle extrapole pour nous donner un 360 degrés. Mais l'épaisseur des choses peut avoir l'air un peu bizarre, mais ça nous donne vraiment une idée de s'il y a un objet qui traîne, si on est proche d'une chaîne de trottoir, on peut vraiment voir où aller. Puis ça fait vraiment un bon travail. Puis c'est assez impressionnant la première fois qu'on voit ça. C'est comme, oh mon Dieu, c'est popé partout. Puis en plus, la première fois que j'ai vu ça, c'est dans une version autre, dans une genre d'auto, ce que tu t'attends pas à voir ça dedans, là, parce que c'est une voiture quand même d'entrée de gamme, des choses comme ça. C'est pas la voiture la plus chère sur le marché. J'avais été vraiment impressionné. Puis la Sentra, elle avait pas ça. J'imagine, c'est un peu ce que je disais tantôt. T'sais, on s'en va dans une prochaine génération de Sentra bientôt. La prochaine, c'est sûr qu'elle va l'avoir. Celle-là, elle l'a pas encore. Dans la prochaine, on va sûrement aller avec la nouvelle Calandre plus en V, la Sentra que j'ai présentement, qui est sur le marché présentement. Ben, elle a une Calandre régulière, plus large. T'sais, ça fait un petit peu moins sport et un peu moins agressif. Mais on s'en va vers ça. La prochaine Nissan Leaf aussi va avoir ce type de calandre là en avant. Siège en tissu sur tous les modèles sauf la SL qui a des sièges en cuir. Moi j'avais des sièges en cuir chauffant dans le modèle que j'avais. À part de ça, c'est ça, les sièges sont confortables, sont quand même ajustable, pas si pire. Les cadrans sont faciles à lire, on est capable de voir toute l'information qu'on a besoin. On a un petit écran au milieu qu'on peut changer. Ça s'en vient de mode, ça aussi. Un écran, vous avez votre cadran de rotation du moteur, vous avez votre cadran de vitesse, puis au centre, on vous ajoute un petit écran. Puis dans cet écran-là, on peut afficher la consommation d'essence actuelle, moyenne, des fois des informations de GPS quand le GPS est en fonction. Ça peut être le poste de radio que vous écoutez, ou si vous écoutez un MP3 ou en flux continu Bluetooth avec votre iPad, ça peut vous marquer ce que vous écoutez, dépendant de ce que la tablette ou le téléphone intelligent envoie à l'auto, puis si les informations sont là. Donc ça, c'est quand même bien. On est capable de changer un peu les informations qu'on a dans ça. J'ai eu l'occasion d'essayer la navigation. C'est rare que je vois des places où je suis pas habitué d'aller. Dans la semaine que j'ai eu la Sentra, mon beau-père a eu des petits problèmes de santé. Il a fallu qu'on aille à l'hôpital. Puis on est allé à un hôpital où on va. En tout cas, moi, je vois pas souvent. Donc j'ai rentrer les informations dans le GPS, puis ça a super bien été, ça s'est super bien programmé, elle comprenait mes commandes super super facilement, j'ai pas eu besoin de répéter des choses comme ça, puis les indications étaient claires, tout ça a super bien été, donc j'ai bien aimé le système de navigation qu'il y a dedans. Les cartes sont quand même assez claires, c'est peut-être pas les plus belles cartes que j'ai vues, mais j'ai vu beaucoup pire aussi, là, c'était quand même pas si pire. Donc ça c'était bien. Puis à part de ça, ben les places avant, c'est confortable, on a de la place, un bon dégagement pour les jambes, les coudes. En arrière, c'est pareil. On a pas mal de place pour asseoir deux adultes puis un enfant. Asseoir trois adultes en arrière, là, ça, c'est presque la Il science-fiction n'y a dans pas toutes les beaucoup autos, d'autos de là. cette grosseur-là, c'est ça. Non. Même dans des berlines un peu plus grosses maintenant, là. Asseoir trois adultes en arrière, c'est presque impossible. Je veux dire, ça se fait pour un petit voyage. Si vous voulez faire, je sais pas, moi, Montréal, Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, dans une berline, avec trois adultes en arrière, vous allez tous vous détester rendu là-bas, là. Ça vous prend Ça un VUS ou vient quelque chose de d'arrêter plus prendre grand. plusieurs cafés. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas fait pour ça. Pour dépanner, oui. Mais deux adultes, un enfant en arrière, ça se fait quand même assez bien. Ça, il n'y a pas trop de problème. C'est surtout la personne au centre. Si c'est un enfant, c'est pas trop pire. Un adulte assez au centre, il y a toujours un peu moins de place. Mais c'est quand même assez spacieux. J'ai rien à dire contre l'espace de cette voiture-là. C'est autant que dans d'autres berlines comparatives. Puis les sièges peuvent être abattus 60-40 si on veut mettre plus d'espace dans le coffre, si on a besoin de plus d'espace. Côté moteur, il y a un moteur dans toute la gamme de la Sentra. C'est un 4 cylindres de 1,8 litres qui développe 160, 130 chevaux, 128 livres-pieds de couple. Il faut que je l'appelle. Transmission Mais la S puis la SV sont livrées avec une traction manuelle à 6 vitesses. Puis il y a une transmission automatique CVT qui est disponible en option. Puis les modèles SR puis SL sont équipés uniquement de la transmission CVT. Transmission CVT, je suis pas un fan des transmissions CVT, mais plus j'en utilise, moins ça me dérange. Puis quand je vais vous parler de la consommation, ça a quand même bien été. Donc, il y a un plus-value à une transmission CVT. C'est pas quelque chose qui est hyper amusant à conduire, là, parce que on a l'impression une transmission CVT, c'est quand on part, hein. Quand on est à un arrêt complet puis on décolle, on a l'impression que le moteur veut débarquer de l'auto puis courir à côté de nous autres parce que Comme ça conduire un tourne. skidoo. C'est ça tourne à plus finir. Puis quand on atteint notre vitesse de croisière, ça se stabilise, puis ça vient beaucoup plus agréable. Après ça, la transmission puis le moteur travaillent vraiment ensemble pour essayer de vous donner la meilleure consommation possible ou la consommation possible avec cette voiture-là. Donc, je vois le plus-value de la chose, même si j'aime beaucoup mieux Mince. dans la sensation de conduire une transmission à 6, 7, 8 Ça vitesses. donne l'impression d'une transition qui glisse. C'est ça. Mais c'est en plein ça, c'est une transmission qui varie tout le temps. C'est ça. Donc, sur le côté comportement routier, c'est confortable. Les accélérations, bon, c'est pas une Ferrari, là. Ça accélère quand même bien. Si on n'a pas l'impression qu'on ne sera pas capable d'atteindre notre vitesse de croisière dans un temps acceptable. Donc, c'est quand même bien. Le moteur a une puissance adéquate pour la grosseur de la voiture avec la transmission CVT, comme je disais. Ça fait un bon travail. C'est une voiture qui est quand même agréable à conduire. Elle se comporte bien. Elle vous brassera pas trop. C'est un bon véhicule. C'est un bon choix. C'est une voiture que quand on est au volant, même si la prise du volant, pour moi, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu bizarre. J'ai trouvé que tu sais, la circonférence quand tu mets tes mains autour du volant, je trouvais qu'elle semblait petite. T'sais, il se prend bien en main, mais j'avais l'impression qu'il manquait comme un petit peu de rondeur dans le volant, qui était un petit peu trop petit dans mes mains. Mais à part de ça, je veux dire, pour le reste, c'est super bien. C'est une voiture que j'ai eu beaucoup de plaisir à conduire. Puis je l'ai conduit peut-être un peu plus même que je conduis des fois certaines voitures, parce que j'ai eu besoin d'aller un peu plus loin avec celle-là. Économie d'essence, Nissan annonce des chiffres de 5,5 litres au 100 km sur route, puis 7,5 litres au 100 km en ville avec la transmission manuelle. 5 litres au 100 sur route, 6,6 litres au 100 km en ville avec la CVT. Donc déjà là, si on regarde, normalement, dans le bon vieux temps, les transmissions manuelles avaient toujours des meilleures consommations d'essence que les transmissions automatiques. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Ben, avec un conducteur compétent. Ouais, c'est ça. Mais bon, avec la manière que les transmissions automatiques travaillent aujourd'hui, sont beaucoup plus efficaces. Donc, souvent maintenant, on va voir des chiffres plus bas, des tests de consommation plus bas avec une transmission automatique qu'avec une manuelle. Dans mon cas, j'avais la version équipée de la CVT, puis j'ai eu une consommation de 6,6 litres au 100 km pour ma semaine au complet. Donc, c'est quand même le chiffre que Nissan donne pour la ville. Puis, si je me rappelle bien, dans cette semaine-là, c'était pas mal ça. C'était du trafic tout le temps à grandeur, 140, quand je m'en allais à Ville-Saint-Laurent pour travailler. Quand je suis allé à l'hôpital avec mes beaux-parents, on a pogné de la construction tout le long pour descendre à Beauharnois, puis dans ce coin-là. Fait que c'était vraiment. J'ai passé ma semaine dans le trafic. Fait que avoir eu des consommations du style ville, ça me surprend pas du tout, mais j'aurais pu avoir des consommations plus hautes que ça, puis c'est quand même pas mal bien, 6,6 litres pour ce que la voiture m'a donné, c'est bien. Donc, est-ce que c'est une voiture qui est confortable? Oui. Est-ce que c'est une voiture qui est agréable à conduire? Puis là, on s'entend, c'est pas une Miata, c'est pas une voiture de sport. Ça reste qu'une berline devrait quand même pas être plate à conduire. Elle n'est pas plate à conduire. On se sent bien au volant. On est confortable. C'est peut-être pas elle qui a le plus beau design. C'est pas elle qui va se démarquer, c'est pas elle qui va faire tourner les têtes quand vous allez arriver à quelque part, qui va, puis quelqu'un va vous dire, ah, ton auto, elle, c'est comment, elle, tu sais, elle est super belle, j'aime son design. Tu sais, on va voir ça qu'une Mazda 3 Non, ou des mais ça choses a le comme ça. mérite de bien vieillir, par exemple, C'est ça. des autos comme ça. C'est ça, parce que ça reste un design classique. Fait que moi, je la Contrairement trouve. au premier Murano, par exemple, que ça a plus ou moins bien vieilli avec le temps. Ouais, il y a beaucoup de voitures qui ont pas super bien vieilli Ben, avec le la temps. plupart des designs plus marqués. Ouais. Fait que ça, c'est bien. Ça va bien vieillir. Ça apparaîtra pas mal. Même quand la prochaine génération va sortir encore, probablement que ça va rester encore quand même bien. Puis, je veux dire, ça se comporte bien. Ça consomme pas trop. À l'achat, c'est quand même pas trop cher. Là, j'ai pas les prix, malheureusement. Dans mes articles de Kijiji, j'écris pas les prix parce qu'on me demande de pas, ben, on me demande de mettre pas de prix. Je pourrais mettre les prix de voitures neuves, mais comme c'est un site qui est surtout voitures usagées, faudrait que je recherche des comparatifs de voitures usagées. Puis, là, malheureusement, j'ai pas toujours le temps de le faire. Fait que souvent, je le fais pas. Mais, une Nissan Sentra, là, on parle d'une voiture qui va chercher peut-être dans le maximum une 20 000 $ pour le modèle, le plus équipé, là. Puis, je peux, rapidement, en parlant, puis en gagnant du temps un peu, comme ça, en disant absolument n'importe quoi, je peux aller voir sur le site vite, vite, puis vous dire, le prix. Fait que, si on regarde une S, ça commence à 11 898, puis si on va vers le modèle SL qui est le plus équipé, on parle de 17 000. Fait qu'on parle d'une voiture quand même bien équipée. Mais là, je regarde mes chiffres, puis j'étais dans le champ. C'est 109 chevaux, puis je disais 130 tout à l'heure. Aussi, j'ai pris mon 130. Ouais, tu l'as aimé. Ben ouais. Non, je comprends pas. Je comprends pas si j'ai pris mon 130. Faut que je check mes affaires. Mais c'est ça. Fait qu'on parle de 109 chevaux. Mais c'est tu comparais la version Versa, pourtant c'est ça. Ah non, c'est pas Versa, excuse, c'est pas la Versa, c'est la Sentra. Ça a plus d'allure. C'est ça. Sentra, on parle de 15 098 pour la version de base, puis on parle de 21 000 pour la version 21 098 pour la version SR, puis il y a la version SL qui est au-dessus de ça, qui doit être probablement 23-24, là. Donc c'est quand même pas si pire que ça. Et on parle de 130 chevaux. Fait que c'est pas mon article qui est dans le champ ou mes données qui sont dans le champ, c'était mon clic sur le site qui était dans le champ. Fait que 109 chevaux, c'est la Versa berline, qui est probablement pas qui a pas été primé par la critique, là. Mais si vous cherchez une Versa, allez vers la nôtre. La nôtre est vraiment assez incroyable comme voiture. Donc c'est ça. Si vous pensiez vous acheter une Sentra, ou si c'était sur votre liste de magasinage, puis vous vous demandez si ça vaut la peine d'être sur votre liste de magasinage, oui. C'est pas la plus moderne, c'est pas la plus récente, c'est pas celle qui a, comme je disais, qui a le design le plus flamboyant, mais ça reste que c'est une bonne voiture, puis elle va vous rendre de bons services. Ça reste une voiture qui est agréable à conduire. C'est pas mal le fun. Donc c'est ça, on va finir ça là-dessus. Messieurs, encore une fois, merci d'avoir été sur cette émission. Comme je disais au début, ça va être la dernière pour le temps des fêtes. On va revenir, si tout va bien, dans la semaine du 6 janvier. D'ici à ce temps-là, si les gens s'ennuient et veulent vous rejoindre, messieurs, comment font-ils cela, Jean-François? Ben, c'est sur Twitter, à JFLIAU. Puis je vais pouvoir vous répondre pendant tout le temps des fêtes. Mais bon, et toi, Martin? Ah, sur la plupart des réseaux sociaux, sous mon nom, Martin Sagala. C'est parfait. Et moi, si vous voulez me rejoindre, sur Twitter, @Scalazormo, le compte du podcast Auto qui est à Podcast Auto. Vous pouvez suivre le podcast si vous voulez sur Twitter, parce que souvent je vais poster, bon, quand les nouvelles émissions sortent, je poste là et je retweet sur mon compte à moi. Si jamais vous voulez me poser des questions, des choses comme ça, écrivez-moi à Scalazormo. C'est toujours le premier compte que je vérifie quand je vais sur Twitter. Fait que si vous voulez m'écrire, écrivez-moi là. Vous pouvez me lire sur le blog de Kijiji, frkijijiblog.ca. Et aussi le site du podcast Auto, qui est normalement, on va mettre le podcast là pour que iTunes le voit et nous vénère, nous honore de notre présence dessus. Et puis, c'est pas mal ça. Il y a une adresse de courriel si vous voulez nous écrire, le podcast Auto à gmail.com. Donc, après le temps des fêtes, je vais réinviter, comme je parlais, si vous écoutez la dernière émission avec Bertrand, je vais réinviter Bertrand à venir jaser avec Marc Bouchard du Salon de l'Auto de Montréal. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans ce qu'on peut dévoiler. peut-être que d'ici à ce temps-là, on va recevoir les listes de presse avec les voitures présentées. Puis des fois, il y a une petite note à côté de la voiture, c'est marqué sous embargo. Ça veut dire que si je veux toujours avoir une invitation, faut pas que je vous en parle. Donc, peut-être qu'il y a des choses qu'on va pouvoir dire, des choses qu'on ne pourra pas dire. Et puis, ça, c'est encore plus vrai pour Bertrand et Marc qui sont un peu impliqués dans le salon de l'auto. Moi, je suis là comme visiteur et c'est tout. Mais donc, ben, visiteur la journée de la presse, mais je suis quand même pas impliqué dans l'organisation. Donc, on vous parlera de ça. Et puis, j'ai vraiment l'intention d'inviter Bertrand au début de l'année prochaine, qui vient de nous parler de sa carrière de pilote automobile, comment il a commencé, c'est quoi ses plus belles courses, ses plus beaux souvenirs, des choses comme ça. Je pense que ça pourrait être une petite émission intéressante de parler avec Bertrand de c'est quoi être un pilote automobile, c'est quoi pour un Québécois d'être un pilote automobile dans un monde qui est quand même, c'est international, là, on voyage partout quand on va faire de la course. Comment est-ce que ça se passe dans cet univers-là? Ça pourrait être pas mal intéressant. En tout cas, si vous autres, ça vous intéresse pas, moi, ça va m'intéresser. Fait que je vais le faire pareil, ça devrait être super le fun. Donc là-dessus, je vous souhaite un super beau temps des fêtes. Faites attention à vous autres. Si vous buvez, s'il vous plaît, ne conduisez pas. On n'a pas les moyens de perdre des auditeurs. Non, pas du tout. Donc, prenez ça pour acquis quand vous allez partir sur un party de Noël. Luc vous a dit qu'on n'avait pas Vous les êtes moyens de précieux. perdre des auditeurs. Oui. Vous êtes précieux. Oui. Revenez, s'il vous plaît. Faites attention à vous, sans blague. Faites attention à vous. C'est jamais le fun d'entendre qu'il y a des gens qui meurent sur les routes pendant le temps des fêtes pour quelque chose d'aussi anodin que de l'alcool. Oui, c'est le fun d'avoir, c'est bien d'avoir du fun en famille, mais si vous décidez de boire, arrangez-vous pour rester chez un ami ou faites-vous conduire. Opération Nez Rouge commence ou est commencée, v'là pas si longtemps que ça. Donc, vous pouvez appeler Opération Nez Rouge. Faites attention à vous. Profitez du temps des fêtes avec vos familles. C'est le temps de l'année où on peut tous se rencontrer puis avoir du plaisir ensemble. Fait que profitez-en. Puis, joyeux Noël, bonne année parce qu'on se reverra pas avant l'année prochaine. Faites attention à vous, puis on se reparle ben, l'année prochaine. C'est toujours le fun de dire ça. Bye et à l'année prochaine. Fait que bye et à l'année prochaine. Et merci de nous suivre, c'est grandement apprécié. Bye. Bye bye.